Aujourd'hui, leur affaire sensible, Beslan, histoire d'une apocalypse. Le 1er septembre 2004, la Russie doit célébrer la rentrée scolaire. Au lieu de cela, elle subit l'un des moments les plus douloureux de son histoire. Les 1er, 2 et 3 septembre 2004, les Russes et le monde entier vivent au rythme d'une prise d'otage. Elle se déroule dans une école de la petite ville de Beslan, dans le Caucase, en Ossétie du Nord. Orchestrée par des séparatistes tchétchènes, elle se solde par un bilan catastrophique. 334 morts, dont 186 enfants. Trois jours durant, le Kremlin constate en direct l'échec de sa politique antiterroriste. Quelle est la responsabilité, justement, de la Russie dans l'issue dramatique de cette prise d'otage? Vladimir Poutine a-t-il sciemment minimisé l'événement pour ne pas avoir à négocier avec les Tchétchènes? Malgré les efforts des familles de Beslan pour comprendre la mort de leurs enfants, de nombreuses zones d'ombre persistent. Notre invité aujourd'hui, Florent Schall, auteur de « Jamais je n'oublierai Beslan », ancienne journaliste à la rédaction de TF1, correspondante en Russie pendant la prise d'otage, qu'elle a couverte par ailleurs, fondatrice de l'association pour aider les survivants de Beslan. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Romain Weber, coordination Christophe Barrère, réalisation Benjamin Ric. Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Sur France Inter. La tragédie de Beslan, c'est quand des millions d'hommes et de femmes adultes ont regardé pendant plusieurs jours sur tous les écrans de télévision du monde mourir des enfants. Et personne n'est devenu fou. Beslan, c'est quand on a appris aux enfants à boire leur urine au lieu de boire de l'eau. Beslan, c'est quand on a appris aux enfants à dormir dans une flaque de sang. Beslan, c'est quand on a enseigné la haine au lieu de l'amour. Beslan, c'est un degré de plus vers l'enfer. C'est notre monde révélé à des yeux étonnés d'enfants qui ont découvert qui nous sommes en réalité. 1er septembre 2018, jour de rentrée scolaire partout en Russie. Partout sauf dans une petite ville à l'ombre du Caucase, Beslan. Elle se situe sur le territoire de l'Ossétie du Nord, une république pas plus grande que la moitié de l'île de France, cernée au sud par la Géorgie et à l'est par l'Ingouchie et la Tchétchénie. Beslan est construite autour d'une distillerie de vodka. Une statue en bronze de Staline est encore là, vestige d'une époque qui n'est pas tout à fait révolue. 25 ans après la chute de l'URSS, cette ville a toujours des allures soviétiques, couleur gris-béton, façade carrée. L'école, elle, est une école sans enfants, une ruine. Les murs en briques sont criblés d'impacts de balles. Le gymnase est découvert, il lui manque un toit. À l'intérieur, un terrain de basket. Et de chaque côté, deux paniers suspendus dont il ne reste que les cercles métalliques calcinés. À Beslan, le 1er septembre est jour de deuil. La ville marche en silence vers l'école. Les familles y déposent quelques peluches, des photos, des bouteilles d'eau ou de soda. Elle se dirige ensuite vers un champ de terre noire à l'extérieur de la ville. Là, les unes à côté des autres, toutes identiques, il y a 266 tombes en marbre rose. Un homme veille sur elle. Il s'appelle Kaspolat Ramonov. Sa fille est enterrée là. 14 ans qu'il n'a pas quitté cet endroit. Il en est le gardien. C'est la cité des anges, dit-il. Ce sont tous mes enfants. Je connais leur âge, leur jeu et ce qu'ils aimaient manger. De l'autre côté de la route, il y a deux cages. Dans l'une, deux ours maigrichons. Dans l'autre, deux vieux loups. Deux symboles du Caucase enfermés là pour tenir en compagnie aux esprits des enfants. Beslan vit avec ses fantômes. Dans l'école numéro 1, c'est son nom. Là où la Russie a connu la prise d'otage la plus sanglante de son histoire, c'était donc en septembre 2004. Bonsoir. Dans ce journal, nous irons tout d'abord en Ossétie du Nord où une prise d'otage a lieu depuis ce matin dans une école. Une centaine d'enfants, des enseignants, des parents sont aux mains de ravisseurs qui réclament la libération des terroristes emprisonnés dans la république voisine d'Ingouchie. Une prise d'otage qui se déroule en pleine rentrée scolaire russe. France Inter. Le mercredi 1er septembre 2004, la petite ville de Beslan fête la rentrée des classes. Dans l'école numéro 1, les 850 élèves sont réunis avec leurs parents, leurs professeurs et la chorale des retraités. Les jeunes écolières portent des rubans blancs dans les cheveux, les écoliers une cravate noire. Et tous apportent aux enseignants des fleurs et des chocolats, c'est la tradition. La plus jeune des filles se tient sur les épaules d'un collégien, comme cela se fait en Russie pour faire tinter la cloche pour la première fois de l'année. Un vrai rituel. Mais la cloche ne sonnera pas. Elle n'aura pas le temps. Il est 9h30, il déboule dans l'école à bord de deux camions. Il porte des cagoules, des masques, brandissent des fusils d'assaut et tirent en l'air. Les 33 terroristes prennent au piège leurs victimes paniquées et les entassent dans le gymnase. Une première fusillade éclate, 4 morts. Au bruit des détonations, Beslan comprend que son école est attaquée. Alan a 19 ans, il est policier. Il est en patrouille quand il entend les coups de feu. Alors il court immédiatement au commissariat pour prendre une arme. Vadim, un collègue, va chercher sa Kalachnikov personnelle. Et tous les deux, comme les autres, se postent autour de l'école pour imposer un périmètre de sécurité. Mais à Beslan, tout le monde a des proches retenus dans l'école. Alors il n'y a pas de périmètre de sécurité. Les pères, les fils, les frères s'approchent, armes à la main, et tant pis pour le protocole. Le Kremlin apprend la nouvelle. Le ministre de la Défense se rend sur place. On nous a déclaré la guerre, dit-il. Une guerre d'une autre forme. L'adversaire est invisible, il n'y a pas de ligne de front, mais le danger est réel. Et il ne touche pas seulement la Russie. Autour de l'école, les forces russes s'organisent. Il y a la police de Beslan, mais aussi les Spetsnaz, les forces spéciales du ministère russe de l'Intérieur et l'armée. Alors que les preneurs d'otages se barricadent dans l'école, les tirs fusent. Mais d'où viennent-ils? Impossible de le savoir. À Beslan, tout le monde a pris les armes et personne ne commande. La prise d'otage dure depuis 2 heures, quand une femme sort du gymnase en agitant un bout de tissu blanc. Elle s'appelle Larissa Mamitova et elle s'avance, titubante, vers les forces russes. Elle porte un message. « Si l'un de nous est tué, nous fusillerons 50 personnes. Si l'un de nous est blessé, nous en fusillerons 20. En cas d'assaut, nous sautons tous. » La lettre est signée Chamil Bassaïev, esclave d'Allah. Un homme dont la tête est mise à prix pour 8 millions d'euros, car il est l'ennemi public numéro 1 de la Russie. Le chef de la Brigade des Martyrs, un terroriste de 40 ans considéré comme un héros national dans une petite république voisine, la Tchétchénie. En Tchétchénie, le sang appelle le sang. Pour chaque mort, chaque homme torturé, il y a un combattant de plus pour défendre la cause des rebelles et pour tuer des Russes. Leur arme favorite est la mine radiocommandée. C'est sûr qu'ils nous considèrent comme des ennemis. Cette guerre dure depuis tellement longtemps. Alors qu'est-ce que vous croyez? Comment peuvent-ils traiter autrement les gens qui les tuent? Il n'y a pratiquement pas une famille qui n'a pas été touchée par cette guerre. La Tchétchénie et la Russie, une vieille histoire de haine. Dans cette république autonome du Caucase, Staline avait déjà fait déporter la totalité de la population en 1944. Et depuis la chute de l'URSS, les Tchétchènes réclament l'indépendance. Or, pour les Russes, il n'en est pas question. Alors c'est la guerre. Une première, de 1992 à 1994, puis une deuxième, entre 1999 et 2000. Bilan. Plus de 100 000 morts, près d'un dixième de la population, des militaires, mais surtout des civils. Grozny, la capitale, est bombardée jour et nuit. Et dans ses ruines germe la résistance à la répression sauvage des forces russes. Elle s'exprime par le terrorisme. L'islamisme, lui aussi, prospère. C'est précisément pour son acharnement contre les terroristes tchétchènes que Vladimir Poutine s'était fait élire pour la première fois en 1999. Le voici en 2002, en visite à Bruxelles. Si vous voulez devenir un islamiste radical, et si vous êtes prêt à vous faire circoncire, alors je vous invite à Moscou, dit le président russe. Nous avons chez nous des spécialistes dans ce domaine, et je vous recommande de pratiquer cette opération de façon à ce que plus rien ne repousse. Dans la salle, hormis les russophones, personne sur le coup n'a rien compris. L'interprète imposé par le Kremlin s'est bien gardé de traduire cette dernière phrase. Ce n'est pas la première fois que Vladimir Poutine use d'un tel langage. Lorsqu'il n'était encore que Premier ministre, il se disait prêt, je cite, à buter les terroristes jusque dans les chiottes. À coups de menton, les mots sont forts, le style inimitable, mais les résultats beaucoup moins probants. En 2004, les attentats tchétchènes en Russie font en effet 580 morts et 800 blessés. Le président tchétchène, mis en place par le Kremlin, a été assassiné en mai de la même année. Juste avant Beslan, le 24 août, deux avions ont explosé en plein vol, détournés par des Tchétchènes, bilan 90 morts. Le 31 août, une kamikaze s'est fait exploser à la sortie d'un métro du centre de Moscou, 10 morts. Et pourtant, le gouvernement assure que la situation tchétchénie est normalisée. C'était une promesse de Poutine, et s'il ne l'a pas tenue, au moins, il le fait croire. Beslan n'est pas en Tchétchénie, mais en Ossétie du Nord, à quelques centaines de kilomètres à l'ouest. Entre les deux républiques, la République d'Ingouchie fait tampon. Mais l'Ossétie et l'Ingouchie sont des ennemis héréditaires. Et parmi les preneurs d'otages, il y a des Ingouches. L'objectif des terroristes est donc clair, étendre la guerre hors de Tchétchénie et embraser cette région explosive du Caucase. Beslan est la preuve que la situation est loin d'être normalisée dans cette région. Alors, pour ne pas montrer à la Russie et au monde entier l'échec de Poutine, le Kremlin s'emploie à masquer et à minimiser la prise d'otages. Pendant toute la crise, le simple mot de « Tchétchénie » n'aura pas été prononcé une seule fois par le chef du Kremlin. Et le nombre d'otages est sous-estimé. Interviewé dans les rues de Beslan, le secrétaire du président en Ossétie du Nord annonce un chiffre que contestent les habitants autour de lui. La liste des otages contient 354 noms. 300 ? Vous n'avez pas honte ? Pourquoi vous dites ça ? Comment vous pouvez dire 300 alors qu'ils sont au moins 1000 ? Hier, vous avez dit 130. Entre 1000 et 300 enfants, c'est complètement différent. C'est pas possible qu'ils soient 350. On sait mieux que vous. Une trentaine d'enfants se sont cachés dans la chaufferie de l'école. Ils sont parvenus à s'enfuir. Et leurs témoignages mettent en pièces le chiffre de 354 otages annoncé par la Russie. Ils sont au moins 1000 dans l'école. Les familles sont furieuses, autant qu'elles sont inquiètes. Mais enfin, pourquoi le Kremlin cache-t-il la vérité? Anna Politkovskaya, célèbre journaliste assassinée par le régime de Poutine en 2006, dénonce depuis des années les exactions des Russes en Tchétchénie. Elle tente de se rendre à Beslan, elle aussi. Dans l'avion qui l'emmène, elle s'évanouit et tombe dans le coma. Un poison a été versé dans son thé à bord de l'appareil. Les journalistes ne sont pas les bienvenus à Beslan. Et la police veille à ce que ceux qui ont réussi à se rendre sur place ne puissent pas rencontrer les rescapés. Les preneurs d'otages réclament 4 interlocuteurs pour négocier. Mais le Kremlin refuse de les envoyer dans l'école. La négociation avec les Tchétchènes n'est pas une option. Pourtant, pour chacun de ses interlocuteurs, les terroristes proposent à la cellule de crise de libérer 150 otages. Dans le gymnase, les assaillants écoutent la radio et regardent la télévision. Il fait près de 30 degrés et les conditions de détention se dégradent. Une rescapée raconte. Au début, ils nous laissaient boire de l'eau. On allait aux toilettes. Mais ça, c'était jusqu'à ce que la télé dise qu'on était 300 personnes dans l'école. Et là, le chef s'est énervé et a crié : s'ils pensent que vous êtes 300, on va vous réduire à 300. Ils ont arrêté de nous laisser aller aux toilettes ou boire de l'eau. Assoiffés, affamés, les otages n'ont plus d'autre solution que de manger en cachette les fleurs qu'ils avaient apportées aux enseignants. Mais gare à eux s'ils sont découverts. Une femme mange un caramel sorti de sa poche, elle est froidement abattue. Au sol et au plafond courent des câbles. Ils relient des dizaines de bombes, dont les deux plus grosses sont accrochées au panier de basket. Et sous les paniers, des détonateurs. Les preneurs d'otages se relaient pour y placer leurs pieds. Si l'un d'entre eux relâche la pression, c'est tout le gymnase qui saute. La nuit tombe sur Beslan, mais pas l'angoisse. Dans la ville en panique, une question court. Les militaires vont-ils donner l'assaut? Vont-ils tirer alors qu'ils n'ont aux enfants? Tous ont en tête, bien sûr, la prise d'otage du théâtre Dubrovka à Moscou par des Tchétchènes, encore. C'était 2 ans plus tôt. Au matin du quatrième jour, les Russes avaient donné l'assaut. 128 otages avaient été tués avec les terroristes. Mais le lendemain, jeudi 2 septembre, Poutine assure que la priorité est de sauver les enfants et qu'aucun assaut n'est prévu. Il consent même à envoyer l'ancien président de l'Ingouchi, Ruslan Aouchev, pour négocier avec les terroristes. Pourtant, cet homme est un adversaire coriace du Kremlin, très critique sur la guerre en Tchétchénie. À 15h, seul, il entre dans le gymnase. Après être entré dans le gymnase, on s'est assis et on a parlé. Je leur ai demandé leurs revendications. Il m'a donné un bout de papier. Je leur ai demandé qui était leur chef. Ils m'ont dit Basayev. Je lui ai dit, libère les bébés, ils n'ont rien fait. Tu dois avoir des enfants. Qu'est-ce qu'un bébé peut bien faire? Au début, il a hésité. Et puis, il a dit OK. 15 bébés et 11 mères. 26 personnes au total. À sa sortie, Ruslan Aouchev porte une lettre. Elle est destinée à son Excellence, Vladimir Poutine. Et elle donne les revendications des terroristes. Cela fait plus de 24 heures que la prise d'otages a commencé, mais les réclamations n'ont toujours pas été communiquées, pas officiellement en tout cas. Les voici. Retrait des troupes russes de Tchétchénie, maintien de la Tchétchénie dans la communauté des États indépendants ainsi que dans l'espace monétaire de la Russie. La directrice de l'école témoigne la discussion, prend à partie les assaillants. Et la scène est filmée par les terroristes. « Vos demandes sont impossibles, dit-elle. »« Oui, nous savons, lui répond-il. » Parce qu'ils ne sont pas là pour obtenir quoi que ce soit. Ils veulent humilier Poutine et propager la guerre. Mais le Kremlin ne dévoile pas ses revendications. Il garde le flou sur ce que réclament les terroristes, comme sur tout d'ailleurs, depuis le début. À l'intérieur, les otages font ce qu'ils peuvent pour s'hydrater. Ils se supplient les uns les autres d'uriner dans tous les contenants possibles. Les bouteilles vides, les quelques seaux, les chaussures... Ils y trempent leurs vêtements, puis les tordent au-dessus de leur bouche pour en tirer quelques gouttes sans en avoir le goût. L'odeur est insoutenable. La chaleur aussi. Les otages, entassés les uns sur les autres dans le sang et les excréments, sont tous presque nus. Ils s'apprêtent à passer leur deuxième nuit dans le gymnase. Cela fait près de 40 heures qu'ils n'ont pas mangé. Les chaînes de télé russes ne diffusent que les communiqués officiels. Ils prétendent toujours qu'il y a 354 otages et que les négociations sont en cours, alors qu'aucun des interlocuteurs demandés ne s'est présenté. Le vendredi 3 septembre, Beslan se réveille au bruit de détonations au loin. L'assaut a-t-il commencé? Non. Les tirs viennent d'une base militaire. Des chars et des blindés légers s'entraînent. 48 heures après le début de la prise d'otages, le FSB prépare l'assaut. Ce sera pour le 3 septembre 2004. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Bonsoir. L'horreur dans une école de Bieslan en Ossétie du Nord où les forces spéciales ont donné l'assaut ce matin. La prise d'otages n'est pas encore terminée. Il reste toujours des enfants aux mains de leurs ravisseurs tchétchènes. Le bilan pourrait dépasser les 150 morts selon un ministre russe. 646 blessés dont 227 enfants sont à l'hôpital. Parmi les victimes, je viens de vous le dire, donc de très très nombreux enfants. France Inter. Dès les premières heures de la prise d'otage, les terroristes ont défenestré une douzaine de cadavres. 48 heures plus tard, ils acceptent enfin, par téléphone, que les corps soient évacués. À 12h55, alors que les forces russes disent avancer dans des négociations, un camion civil approche de la cour pour récupérer les corps. Nerveux, trois terroristes viennent à sa rencontre. Ils hurlent en russe avec un accent tchétchène et mettent en joue deux des quatre secouristes pendant que les deux autres déplacent les corps. Il est 13h05, l'opération macabre est presque terminée, quand une détonation retentit juste devant eux dans le gymnase, et elle résonne dans toute la ville. Beslan hurle de peur. Mais quelle est cette détonation? Un terroriste qui a relâché la pression du détonateur? Les preneurs d'otages qui ont volontairement déclenché une bombe? Ou bien, beaucoup plus problématique, cette explosion venait-elle des forces russes? On ne sait pas. Mais elle est suivie d'une autre, du même type. Et là, le gymnase prend feu. À l'intérieur, c'est la panique. Les terroristes sont décontenancés. Et les otages, par centaines, tentent de fuir. Ils se marchent dessus, piétinent ceux qui ne peuvent plus se relever, se ruent vers les fenêtres éclatées. Certains parviennent à se jeter à l'extérieur, courent de toutes leurs forces, celles qui leur restent. Les preneurs d'otages, dépassés et impitoyables, tirent à la mitraillette dans le dos des enfants en fuite. Tel est le bilan de ce qui est, on comprend très vite alors, l'assaut. La brutalité et l'impéritie des forces russes est insoutenable. Sans aucun commandement, les hommes armés engagent l'assaut. Chacun pour soi, crie un policier. Il faut sauver des enfants. Spetsnaz, commando du FSB, policier, civil armé, plus de 10 000 hommes participent à l'assaut dans la plus grande confusion. Ils évacuent les otages tant qu'ils peuvent, ouvrent le feu sur n'importe quel homme, se battent au corps à corps dans les bureaux de l'administration, poursuivent les preneurs d'otages dans la cantine. Des terroristes parviennent à fuir, eux aussi. C'est maintenant dans toute la ville que se propage la chasse à l'homme. Mais à 15h, nouvelle catastrophe, le toit du gymnase s'effondre. J'étais à l'intérieur de l'école juste après l'assaut. Ils ne voulaient pas nous laisser sortir, mais je me suis débrouillée. À l'intérieur du gymnase, le toit s'est effondré. J'ai vu de nombreuses personnes brûlées vives, des femmes, des enfants. Sous les débris, il y avait des membres. Plus de 100 personnes meurent sous les décombres brûlants. Les quelques terroristes encore en vie se réfugient eux au premier étage avec des dizaines d'enfants. Les otages sont placés devant les fenêtres défoncées comme boucliers humains. Mais les commandos russes criblent la façade de tirs de Kalachnikov, de grenades, de roquettes. Lance-flammes également. Il y a même deux chars d'assaut T-72 qui pulvérisent le premier étage. Ces armes sont faites pour la guerre, mais surtout pas pour libérer les otages. Les enfants, presque nus, courent dans tous les sens. C'est un fourmillement de corps sanguinolents. Certains agonisent, d'autres courent sans savoir où aller, d'autres encore défaillent. Derrière les tanks, les otages qui peuvent courir se ruent à gare sur des bouteilles d'eau. Presque 3 jours qu'ils n'ont pas bu, et les services russes n'ont même pas prévu la moindre ambulance. Une infirmière, une seule, est sur place. Les habitants portent les enfants les plus gravement touchés dans leurs bras jusqu'à l'hôpital à 500 mètres de là. Les familles déambulent en les dévisageant, animées par l'espoir et par l'angoisse de retrouver un proche. 3 heures après le début de l'assaut, au loin, la chasse à l'homme se poursuit. Mais dans l'école, tous les terroristes sont morts. L'innocence meurtrie. Une ambulance improvisée, ce père Richard Jean hâte, son petit garçon blessé. Et étouffe au passage le cri de son épouse. Des dizaines d'enfants partent vers l'hôpital. Là-bas, ils sont déjà plus de 200. Dans la foule, des enfants sans leur famille, des familles sans leurs enfants. Ça y est, c'est bon. Ils ont enfin retrouvé leur fils. Спасибо большое, merci beaucoup, pleure cette femme. Six ambulances sont finalement dépêchées pour évacuer les blessés. Mais il n'y a pas un seul policier pour organiser cette évacuation. L'hôpital est plein à craquer. Les quatre médecins ne peuvent rien faire face à l'afflux permanent de nouveaux corps. Alors, morts et vivants sont installés en rang sur des civières dans le jardin de l'hôpital. Beslan devient une morgue à ciel ouvert. Et puis il y a ceux qui n'ont pas encore de nouvelles, qui regardent les listes affichées à l'hôpital et criées par un homme comme une litanie. Irina pleure, elle cherche sa sœur et ses deux nièces, elle n'a rien trouvé à l'hôpital et elle a peur d'aller voir sur les lieux de la prise d'otage. En fin d'après-midi encore, on amenait des enfants à l'hôpital. Les chiffres officiels annoncent 150 morts. En réalité, l'hôpital en a déjà compté 250, soit presque autant que le nombre d'otages que le gouvernement avait annoncé. Or, ce sont bien 1200 personnes qui étaient retenues dans l'école. Loin, très loin des chiffres du gouvernement. Dans la ville, des cahiers d'écoliers circulent. À l'intérieur, écrits à la va-vite, les noms des victimes. Tour à tour, les familles se les arrachent, puis à leur lecture s'évanouissent ou regagnent espoir. Partout, les mères, les pères, les frères, les sœurs agitent des photos sous les yeux hagards des rescapés. Et mon fils et ma fille, l'as-tu vu? Dis-moi que tu l'as vu. Là, devant l'école, une camionnette de la police tente de se frayer un chemin dans la cohue. À l'intérieur, il y a un homme menotté. Est-ce un preneur d'otage? Peut-être que non. Mais pour la foule, ça ne fait pas de doute, c'est un terroriste, hurle-t-il. Tuons-le! Les hommes, par dizaines, enragés, attaquent le fourgon, arrachent la porte et extirpent le détenu. Il est projeté au sol, roué de coups, jusqu'à ce qu'il ne bouge plus. Dans le gymnase démoli, les habitants entrent en silence. Ils trouvent éparpillés des bouts de vêtements, des peluches, des cahiers calcinés. Au milieu, une chaise, une petite chaise d'écolier. Un homme s'en approche fébrilement, y dépose un ours en peluche, puis s'effondre, les épaules secouées par les sanglots. Voilà le premier hommage aux victimes de Beslan. Puis ce sont les fleurs, les photos et les bouteilles d'eau, de soda, de jus de fruits dont les enfants ont tant manqué. Mais d'heure en heure, le bilan s'aggrave. Le samedi 4 septembre, on compte 320 morts. La moitié sont des enfants. Poutine, lui, est arrivé à l'hôpital dans la nuit. Maladroit, devant les caméras, il tente de réconforter des enfants qui ne le remarquent même pas. Mais il ne s'attarde pas. Il se doute bien que Beslan lui en veut et a des questions à lui poser. D'où cette allocution à la télévision. Il est impossible de nier l'évidence. Nous n'avons pas compris la complexité et le danger des processus qui se déroulaient dans notre propre pays et dans le monde dans son ensemble. On ne peut nier l'évidence. Nous avons affaire non à des actions divisées et à des terroristes isolés. Nous avons affaire à une intervention de terrorisme international contre la Russie. Beslan aurait donc été victime du terrorisme international. Comprendre, Al-Qaïda. Comme les États-Unis en 2001 donc. Pour preuve, si l'on peut dire, le gouvernement affirme que parmi les terroristes, il y avait 9 Arabes et un Noir. Le procureur général parle même d'un Coréen. En réalité, le terroriste noir avait seulement de la suie sur le visage. Les Arabes n'étaient que 2, et le Coréen, mystère. Sur les 33 preneurs d'otages, on compte en réalité 14 Tchétchènes, 9 Ingouches, 3 Russes, 2 Ossètes, 2 Algériens, un Tatar, un Kabardin, autre nationalité du Caucase, et un Guran, peuple de Sibérie. Ces terroristes sont donc en grande majorité originaires de la région. Alors pourquoi prétendre qu'il s'agit de terrorisme international? Parce que cela permet à Poutine d'évacuer la question tchétchène, et donc le sujet qui fâche, à savoir sa politique dans le Caucase. À Beslan, les familles entament leur deuil. Dans un champ de terre noir, les bulldozers creusent de grandes tombes. Il en faut toujours plus, car le bilan final est de 334 morts, dont 186 enfants. Les funérailles s'organisent, pas un immeuble de la ville n'a été épargné. Dans la cité, c'est une suite infinie de processions vers le cimetière. Mais à la tristesse succède la colère. Comment la prise d'otage a-t-elle pu aussi mal se terminer? Cet habitant ne comprend pas. Pourquoi c'est arrivé? et ils auraient dû négocier d'abord pour libérer les enfants. Une fois les enfants sains et saufs, ils auraient pu lâcher une bombe atomique. Ils auraient pu faire ce qu'ils voulaient. Comment la gestion de cette crise a-t-elle pu être aussi calamiteuse ? Les interlocuteurs demandés par les preneurs d'otages ne sont jamais venus. Les négociations n'ont jamais avancé. Les revendications des terroristes n'ont jamais été annoncées. Et surtout, on ne sait pas qui, des forces russes ou des preneurs d'otages, est responsable de la première détonation et donc de l'assaut. Et avant cela, comment 34 terroristes ont-ils pu entrer à Beslan sans complicité, dans une région saturée de contrôles routiers ? Le lendemain du drame, le samedi 4 septembre, Beslan se lance à la recherche de la vérité. Aujourd'hui, 16 ans plus tard, cette quête n'est toujours pas aboutie. En attendant des réponses qui ne viendront sans doute pas, un homme a disposé une table dans le nouveau cimetière. Il vient là, l'après-midi. Devant lui, les tombes en marbre rose de sa femme et de ses deux filles. Alors il s'assied, ouvre un livre et leur lit des contes de fées. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter, aujourd'hui la prise d'otage de Beslan dont nous allons parler avec notre invité Florent Schall. Bonjour Florent Schall. Bonjour. Auteur de Jamais je n'oublierai Beslan, ancienne journaliste à la rédaction de TF1, vous étiez correspondante en Russie pendant cette prise d'otage que vous avez donc couverte. Par ailleurs, vous êtes la fondatrice de l'association pour aider les survivants de Beslan. Je vais commencer par là, on a beau être journaliste, on Non, n'oublions pas les enfants de Beslan. Voilà, c'est le nom exact de l'association. Très bien, n'oublions pas les enfants de Beslan. Alors, on a beau être journaliste, on n'en est pas moins humain. Et au-delà de notre mission d'information, on peut être touché directement par ce qu'on voit jusqu'au point de fonder donc cette association. N'oublions pas les enfants de Beslan. Comment fonctionne cette association? Quelle est son utilité concrète? Elle fonctionne très mal. Ouais. Pour la simple raison que depuis la loi de 2014 qui a interdit aux ONG de recevoir des ONG exerçant sur le sol russe d'avoir des fonds de l'étranger, vous imaginez bien que c'est un petit peu compliqué. Donc on est taxé d'être venant de l'étranger, donc éventuellement traite à la patrie, agissant contre l'État russe, etc., etc. Et de toute façon, la transaction, enfin le passage des fonds, puisque qui était directement contrôlé par l'administration russe, est devenu de plus en plus difficile. Et je dois malheureusement dire que j'ai baissé les bras depuis 2 ou 3 ans. Ah. Et surtout que je ne peux plus aujourd'hui passer mon temps à récolter des fonds comme je l'ai fait pendant de très longues années. Et je remercie tous les gens qui m'ont beaucoup beaucoup aidé en France. Vraiment, j'ai formidable. C'était incroyable le nombre de Français qui ont été touchés par Beslan et qui ont aidé cette association. Mais malheureusement, aujourd'hui, j'ai baissé les bras, quoi. Bon. Mais bon, je sais qu'il y a encore... Puisqu'il a été fait, était utile. Oui, oui, absolument. La maison qu'on a créée existe toujours. Et puis, de toute façon, c'est vrai que maintenant, 16 ans s'est écoulé quand même depuis cet horrible moment. Et le principal but de l'association, c'était d'aider psychologiquement les victimes qui étaient encore survivants, de les aider d'abord à guérir leurs problèmes d'ouïe, parce que beaucoup sont devenus sourds à cause des explosions, mais surtout les drames psychologiques que vivent les habitants de Beslan, qui, je pense, ne jamais... C'est des blessures qui ne guériront jamais, mais si on les a un peu aidés, je pense que c'est déjà une petite goutte d'eau. Quand êtes-vous retourné pour la dernière fois à Beslan? Il y a 5 ans. 5 ans. Oui. Donc vous avez revu des survivants, vous avez parlé avec eux. Oui, j'ai revu des survivants. Et il y a une chose que vous dites un petit peu dans votre récit, mais que j'aimerais vraiment dire. Ce que je trouve formidable, c'est qu'imaginez que cette ville, donc 33 000 habitants, qui est directement concernée par ce qui s'est passé, qui est tout le monde a quelqu'un qui a un cousin, un frère, un neveu qui a été dans cette école. Il y avait donc 1200 personnes dans l'école quand les points d'attache sont arrivés, 1200 personnes qui ont subi ce déluge de feu, qui ont subi tout ça. Et imaginez que ces gens-là ne se sont jamais vengés. Alors qu'on est en plein Caucase, un lieu où l'arme est facile. Bon. Mais moi j'ai assisté, parce que j'habitais chez des gens de Beslan pendant la prise d'otage, et je me souviens la première fois qu'on a pris le deuil pour un des fils de la maison qui était donc mort dans l'école, le père a dit une phrase absolument fabuleuse qui était « Prions tous pour que jamais ce que ces hommes nous ont fait, nous ne le fassions à d'autres hommes ». Donc déjà, ils avaient intégré l'idée de ne pas se venger, que c'était vain, que c'était faire non, la guerre. Non, pas que c'était vain, que c'était l'horreur, que c'est le drame, c'est sanglant, que c'est le mal, et qu'il faut pas montrer le mal à ses enfants. En plus, oui. Donc voilà, c'est ça la plus belle idée de ces gens du Caucase. Enfin, je veux dire, vraiment, les Ossètes sont un peuple absolument extraordinaire pour moi, parce que, bon, forcément, il y en a qui ont voulu se venger, il y en a qui ont tiré. Je me suis retrouvé avec un journaliste russe pris sous les tirs d'habitants qui étaient persuadés qu'on était des complices des preneurs d'otages. Donc c'est évident, sur le moment, il y a eu beaucoup, mais à long terme, reconnaissons cette force. Et par exemple, le comité des maires de Beslan, qui s'est donc créé, qui cherche à tout prix à avoir la vérité, parce que leur but aujourd'hui, c'est avoir la vérité et surtout avoir les excuses de Vladimir Poutine et que l'État reconnaisse que l'État a failli. Parce que c'est ça, la réalité de l'histoire, quand même. Hein. Vous racontiez tout à l'heure qu'on ne sait pas très bien quel est le début du déclenchement, de la première bombe, etc. Mais au fond, on s'en fout. Ce que je peux dire, moi j'étais là, c'est que quand le camion médical s'est approché pour emporter les 20 cadavres, en fait, dans le camion médical, il y avait des hommes du FSB, déguisés en infirmiers, bon, avec des armes. Ouais. Faut quand même le savoir. Bon, Ils ont peut-être pas tiré, mais je pense qu'il y a des preneurs d'otages qui se sont rendus compte que c'était pas clair et pas net, et que les premiers coups de fusil, qu'est-ce qu'ils ont fait les premiers coups de fusil? C'est que ça a provoqué une panique à l'intérieur de ce gymnase, où n'oublions pas que dans un endroit qui fait 30 mètres de long, il y avait 1100 personnes allongées par terre depuis 3 jours, sans pouvoir boire, sans pouvoir aller faire leurs besoins, dans l'odeur d'excréments, dans la folie, dans la chaleur, des enfants nus, qui avec des terroristes qui leur disaient « si vous bougez, on va vous tirer dessus, et bougez pas, parce que si vous bougez, les fils des bombes, des explosifs contre lesquels vous êtes allongés... » Ça va faire tout sauter. Ça va faire tout sauter, etc. Donc une ambiance de folie qui fait que peut-être, par accidentellement, une des bombes artisanales qui était suspendue au panier de basketball, une des bombes a dû exploser sans doute accidentellement, ça j'en suis quasi sûr, et tous les témoignages des survivants que j'ai interviewés, et j'en ai interviewé des dizaines et des dizaines, confirment la même chose. La première bombe n'a pas été explosé volontairement par un preneur d'otage. Bon, alors après, bon, il y a l'enchaînement. Mais ce que je peux dire, parce que quand vous voyez des chars d'assaut, quand vous voyez des roquettes lance-flammes tirées à bout portant sur un bâtiment dans lequel on sait qu'il y a des enfants qui sont exposés aux fenêtres comme boucliers humains, voilà, on s'est dit, c'est quoi ça? Enfin, je veux dire, ce n'est pas concevable que des forces armées tirent sur des civils et sur des enfants de cette façon. La première chose qu'on peut reprocher à Vladimir Poutine, je lui reproche pas tout, mais je lui reproche ça, c'est de ne pas avoir tout fait pour libérer les enfants. Il pouvait le faire. Il y avait 1100 otages dans l'école. Il pouvait très bien faire en sorte que les 800 enfants soient libérés. Ouais. Et gardés, et que les preneurs d'otages se contentent des centaines d'autres adultes qui restaient. Ça suffisait pour les Tchétchènes, j'en suis sûr. Il aurait pu le faire, tous les moyens, toutes les négociations étaient à mener. Ouais, il libérait les otages les uns après les autres, par groupe. Je ne sais pas ce qu'on peut voir par ailleurs. Non, parce qu'il n'a jamais négocié. Poutine n'a jamais permis la négociation. Vous dites que le président Ingouche a été envoyé par Poutine. Non, c'est le président Ingouche qui est allé de lui-même. Bravant les interdictions du comité de crise qui avait été instauré. Il est allé par humanité, parce que les autres ne voulaient pas y aller aussi. Hein, faut pas oublier, hein, les autres s'étaient enfuis, étaient introuvables, etc., etc. Enfin bon, passons. Ce sont des horribles détails, mais des détails quand même. Ce qui est important, c'est ça. C'est la désorganisation totale des forces russes, le fait qu'on ait mis des chars d'assaut en face des écoles pour tirer sur des enfants, le fait que entre les Spetsnaz, le groupe antiterroriste Alpha, les Omon, les milices, la police du coin, etc., il n'y avait aucune coordination, vous voyez des gens qui couraient dans tous les sens, plus les pères eux-mêmes qui avaient des fusils et qui voulaient aller monter là, délivrer eux-mêmes leurs enfants, vous pouvez imaginer ce que c'était, et tout ça avec des lance-flammes, des roquettes et des fusils mitrailleurs. Donc, évidemment, on est arrivé à ce bilan catastrophique. La catastrophe. C'est évident. Florence Chalon, on se retrouve dans 3 minutes après avoir écouté Woodkid, Goliath. Sustained heartbeat. pain and the dark fever. How did I get fooled by such a savage curse? The more I forgave you, the more it backfires. Now you're dancing through the smoke like nothing else matters. Where are you going, boy? Where did you get so lost? How could you be so blind? How could you be so blind? Charles, nous parlons ensemble de cette prise d'otage de Beslan que vous avez couverte pour TF1, donc cette année-là. Alors vous disiez à quel point Poutine est responsable aussi de ce qui s'est passé, mais qu'il n'est pas responsable de tout, qu'on ne peut pas tout lui reprocher, c'est-à-dire je dis, là vous me prenez un peu de coup, mais vous m'avez dit. Mais reconnaissons quand même à Poutine qu'il a organisé deux jours de deuil national. Voilà, bon, si vous voulez, je dirais que je mettrai ça à son acquis, mais ça s'arrêtera un petit peu là. C'est vrai que il est venu en catimini une nuit à l'hôpital voir les enfants survivants. Il est resté une demi-heure et il a parlé à aucun des habitants de Beslan, quoi, en gros. Entre 3h et 4h du matin, c'est ce qu'on appelle en catimini. Je ne pense pas que ce soit un hommage suffisant. Je veux dire que je ne pense pas qu'une démocratie occidentale aurait admis si peu de compassion de la part d'un manque d'État, de la part d'un chef d'État. Et un assaut comme celui-là. Et un assaut comme celui-là. Parce que là, ça montre bien la politique de Poutine dans le Caucase, en fait. Elle passe par la brutalité. C'est-à-dire que depuis... C'est moins qu'on puisse dire, d'ailleurs. Ça fait à peu près en 2004, quand la prise d'otage de Beslan a eu lieu. La Tchétchénie était, on peut dire même, c'est deux guerres différentes, mais en guerre depuis 10 ans à peu près contre l'État russe pour arriver à obtenir son indépendance. Et petit à petit, la Tchétchénie est devenue un lieu de combat absolument sanguinaire où les jeunes tchétchènes étaient arrêtés absolument en violation de tous les droits de l'homme. Ou d'ailleurs, s'il y avait des veuves noires à Beslan, des mères tchétchènes prêtes avec une ceinture d'explosifs prêtes à se faire exploser et être donc des kamikazes, c'est pourquoi, parce que leurs fils ont été tués de façon sanguinaire, parce qu'elles ont perdu leur mari sans même savoir où et dans quelle prison était leur mari, etc. L'État russe s'est conduit d'une façon absolument terrifiante en Tchétchénie dans les dernières années, d'autant qu'en plus à ce moment-là se mêlaient toutes les mafias à la fois du pétrole, de la contrebande d'armes, etc. Donc la Tchétchénie est devenue un espèce de tourmente, de poudrière terrifiante où plus d'ordre est dirigé par des brigands en plus mis là par l'État russe. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, la Tchétchénie est une espèce d'épine dans le pied de Poutine, parce qu'il n'a jamais réussi, en fait, à se sortir du boumier tchétchène. Et d'ailleurs, la preuve, sa réaction par rapport à Beslan, quand il dit « ce n'est pas des terroristes tchétchènes, c'est un acte de terrorisme international financé par Al-Qaïda ». L'idée, c'est « non ». C'est pas la Tchétchénie, sage et contrôlée, c'est fait, etc. Parce qu'il a quand même très bien compris que ça avait mal tourné. Hein. Bon, donc faut pas que ça soit des Tchétchènes qui puissent être responsables de ça, parce que ça voudrait dire que les Tchétchènes sont très organisés, encore puissants, encore capables de, etc., etc. Donc c'est plus simple de dire que c'est Al-Qaïda et que c'est financé par des islamistes extrémistes, quoi. On n'a pas très bien vu à Beslan. Alors, et on n'oublie pas que 2 ans avant Beslan, il y a eu une autre prise d'otage, similaire à quelques égards, en tout cas, c'était dans un théâtre de Moscou. Hein, théâtre de Dubrovka. Eh ben oui, absolument. Les preneurs d'otages étaient tchétchènes, et après 4 jours, les forces russes avaient donné l'assaut, après avoir lancé un gaz dans la salle, alors que les otages y étaient encore. On peut dire que le scénario est similaire, si vous voulez. Ouais, au moins, c'est vrai que là est similaire. Aussi, les forces russes ont utilisé une méthode de combat qui éliminait autant les terroristes que les civils. C'est ça. Voilà. On va écouter. D'ailleurs, là, il y a eu, je crois, plus de 180 personnes mortes. Absolument. Et on va écouter le témoignage de 2 otages. Une première au téléphone pendant la prise d'otage, hein, ce qu'elle disait pendant l'événement. Et un deuxième témoignage depuis l'hôpital. Donc après. Ils nous envoient du gaz, je ne sais pas ce que c'est. Tout le monde est assis dans la salle, j'espère juste que... C'est quoi ce gaz? Je n'en sais rien, mais je vois bien les réactions. Visiblement, ils font comme s'ils ne voulaient pas qu'on sorte vivant d'ici. Mais on va essayer. Ils ont lâché le gaz, les gens ont commencé à s'évanouir. Ceux qui ont eu le temps de se protéger avec un foulard l'ont fait. Les autres ont aussitôt perdu connaissance. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ce sont des méthodes qui sont absolument insupportables. Moi, une chose qui m'a toujours semblé très bizarre, c'est que quand je suis arrivée en Russie comme correspondante, donc je suis arrivée, Poutine venait tout, enfin, je suis venue pour la première élection de Poutine. Pendant ces 4 premières années de chef d'État, il était considéré par les démocraties occidentales comme, on va dire, le héros AUT à la fin, d'une nouvelle démocratie à la russe. On sortait d'Helsine, etc. On se disait, voilà, bon, il a l'air d'être ce garçon, finalement, bon, ok, il vient du FSB, mais enfin, bon, il était l'adjoint du maire de Leningrad, de Saint-Pétersbourg. Bon, c'est quand même un professionnel de la politique, voilà, d'expérience, etc. Et puis, il parlait aussi de démocratie, quoi, en gros, bon. Et donc, je me souviens très bien que, par exemple, les ambassadeurs occidentaux en Russie envoyaient des notes partout à leur chef d'État, à leur chef de gouvernement, pour dire, voilà, bon, on va parler avec lui, c'est un démocrate, etc. Et puis, Beslan a vraiment tourné la page, ça, cette image de Poutine démocrate. Mmh, et non seulement Beslan elle-même, mais après, ce que Poutine a fait après, qui a consisté à durcir, à faire une loi de sécurité nationale, je vais très vite, à durcir la loi. Et je le dis parce que c'est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, depuis 2 ans, c'est de pire en pire. C'est-à-dire que non seulement il va pouvoir rester 6 ans de plus au pouvoir, mais en plus, la presse, les télés, les radios et Internet est muselé. Ce sera le dernier mot. Merci infiniment, Florent Schall. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la prise d'otage de Beslan, une émission que vous pouvez réécouter en podcast. À la technique aujourd'hui, Tiffany Battistel. Merci.